Bien-aimé, il faut le reconnaître une fois de plus, Jésus parle fort. Dans cette parabole qu'il nous livre aujourd'hui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Et il compte bien justement impressionner notre cœur, notre âme, notre intelligence. Et si cette parabole parle fort pour nous, c'est très probablement parce qu'elle dit quelque chose de très vrai, qui nous apparaît comme une évidence, mais qui en même temps nous laisse comme une forme, dans une forme d'inconfort. En clair, nous nous sentons peut-être un peu visés. Et c'est très bien, parce que c'est précisément si nous nous sentons visés que notre conscience est encore assez lucide pour reconnaître qu'il y a souvent au fond de nous quelque mal qui se fraye un chemin. Saint Paul dit « Celui qui n'a pas péché » Saint Jean, pardon, dit « Celui qui n'a pas péché, qui dit qu'il n'a pas péché, est un menteur. » Alors je ne vais pas contredire Saint Jean, décidément, Saint Jean, mais je mettrai peut-être une petite nuance. Je dirais « Celui qui dit qu'il n'a pas péché est un inconscient. » Un être dont la conscience est suffisamment embrumée pour ne pas se regarder avec lucidité. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Le péché prend ici de nouveau le visage d'un pharisien. Décidément, ces pharisiens, selon Jésus, sont mal en point. Et pourtant, ils sont censés être aux premières loges, les pharisiens. Aux premières loges, justement, pour débusquer en eux, le mal, pour l'éradiquer. Ils sont experts dans la loi, fins connaisseurs du droit, experts de la parole de Dieu, mais c'est justement là que se glisse leur misère, très sournoisement. Elle va se glisser entre leur intelligence ultra-entraînée, capable de décortiquer, de tourner dans tous les sens le moindre verset de l'Écriture sainte, et leur cœur, refroidi par une forme subtile d'arrogance et de mépris de ceux qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études, à l'ombre du temple et bien sûr aux frais du petit peuple. L'orgueil se glisse là, frères et sœurs. Il se glisse entre l'intelligence et le cœur. Et en se glissant entre l'intelligence et le cœur, il vient enténébrer et l'intelligence et le cœur. Et puisque c'est, nous l'avons bien compris, de notre propre orgueil qu'il s'agit, essayons de comprendre en quoi il consiste, au juste, pour l'éradiquer plus facilement. Alors à ce propos, frères et sœurs, il ne faut pas se faire d'illusions. Pour débusquer l'orgueil en nous, il n'y a pas de solution humaine. Il faut l'Esprit Saint. Il faut le supplier de nous le montrer, de débusquer, de le dévoiler en nous. Demandons donc à l'Esprit Saint de nous assister, parce que la tâche n'est pas facile. Il nous faut arriver à la jointure entre le cœur et l'intelligence, là où la justice et la vérité doivent épouser l'amour et la miséricorde. Comprenons que nous touchons là le point crucial de notre condition de pécheur, le lieu même de ce qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire l'origine de tous les péchés. Il s'agit de notre incapacité à voir clairement. Écoutez bien, je crois que là c'est le point. L'orgueil, c'est l'incapacité à voir clairement combien, jusqu'à quel point, l'amour et la miséricorde sont premiers dans l'ordre de toutes les valeurs. premier même sur la vérité et la justice. La justice et la vérité sont absolument nécessaires, mais ils sont toujours subordonnés à l'amour, et non pas l'inverse. Autrement dit, ce qui permet à la vérité et à la justice de resplendir, c'est que l'amour a d'abord été répandu dans les cœurs. C'est la miséricorde qui permet à la justice de triompher vraiment. Donc entre l'intelligence et le cœur, c'est le cœur qui doit toujours parler le premier pour éclairer l'intelligence. Dans la parabole que notre Seigneur nous raconte aujourd'hui, il met en scène ce pharisien donc qui monte au temple tout enflé de lui-même. Regardons-le, ce pharisien, et écoutons-le. Parce qu'il faut, il y a de quoi voir et de quoi entendre. L'orgueil personnalisé se donne ainsi, à voir et à entendre. Mais tout en le regardant et en l'écoutant, je vous en prie, frères et sœurs, et je m'en prie aussi, essayons d'être indulgents. Indulgents vers ce pharisien, ce pauvre pharisien, parce que sinon, nous risquons de tomber exactement dans son péché à lui. Il faut que nous ayons toujours un regard plein d'amour et de miséricorde pour même les pharisiens, alors qu'ils laissent voir l'horreur de leur orgueil. Le voilà qui se tient debout au milieu du temple, debout au milieu de l'église, peut-être même au premier rang. Il est debout, bouchant la vue, faisant écran entre Dieu et ceux qui se trouvent derrière lui, et qui sont totalement insignifiants à ses yeux, inexistants peut-être même. Debout comme si c'était la seule attitude convenable pour sa propre sainteté devant Dieu lui-même. Debout comme s'il était l'égal de Dieu, comme s'il était Dieu lui-même en réalité. Et que se dit-il en lui-même? Que pense-t-il? Bien sûr, il ne veut pas le dire tout haut, puisqu'il est hypocrite. Par définition, il est pharisien. Que pense-t-il? Je te rends grâce, Seigneur, car je ne suis pas comme les autres hommes. Oh, quelle horreur! Comment ça? Tu es d'une autre nature que les autres hommes? Tu es d'une race supérieure? Ça vous rappelle quelque chose? Tu es pur, immaculé, tu es un saint. Comment ça? Les autres sont voleurs, injustes, adultères, mais moi, je fais rien de ça, moi. Moi, je jeûne deux fois par semaine et je verse 10% de mes revenus à la quête. Je suis parfaitement en règle, selon la loi, selon la vérité, selon la justice. Ah, voilà! Puisque la justice est sauve, puisqu'elle est sainte, tu serais un saint. Mais mon pauvre ami, tu n'as pas remarqué ton mépris pour ce publicain qui se trouve au fond de l'église. Tu ne l'as même pas remarqué. Tu n'as pas remarqué que tes œuvres, aussi parfaites soient-elles, ont complètement obscurci ton cœur. Si tu avais mis l'amour au-dessus de la justice, tu aurais compris que la plus élémentaire des justices eût été de témoigner un infini respect pour ce pauvre pécheur qui se trouve à genoux au fond de l'église, se frappant la poitrine, parce que lui aussi est un homme comme toi. Voilà, frères et sœurs, ce que répond Jésus à ce pharisien lorsqu'il lui dit que sa prière ne lui plaît pas, qu'elle est inutile et qu'au contraire elle éloigne dangereusement du salut. Ne nous y trompons pas, que notre pharisien observe les commandements est une très bonne chose. Mais encore faut-il qu'il soit conduit par l'amour. C'est en définitive la seule chose qui lui manque, et c'est bien dommage, parce que c'est la seule chose qui compte. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à regarder dans ce pharisien, mais vous avez bien compris, en nous d'abord, en nous-mêmes aujourd'hui. Nous devons bien le reconnaître, nous aussi nous avons bien du mal à mettre l'amour au-dessus de tout. Nous aussi nous avons bien du mal à aimer vraiment, authentiquement. Et pourtant, nous savons bien, et nous le répétons à l'envi, nous distinguons parfaitement le péché du pécheur, n'est-ce pas ? Mais une fois que nous avons distingué le péché du pécheur, est-ce que nous allons nous mêler au pécheur ? Comme Jésus lui-même le fait sans cesse, allant dîner chez les publicains. Nous aussi, nous avons bien du mal à aimer vraiment, authentiquement, concrètement, les pécheurs, ceux qui semblent loin de nos codes de loi, de nos milieux, de nos principes, que nous érigeons trop facilement en absolu. Nous tirons bien vite les conclusions de certains comportements qui, objectivement, ne sont pas bons parfois, mais dont nous ignorons tout des origines. En vérité, si vous me le permettez, encore une fois, Dieu seul est juge. Et si nous voulons éviter de nous retrouver à la dernière place dans le royaume, nous ferions bien de courir nous-mêmes ici-bas, nous mêler en nous jetant à genoux, cachés au fond de l'église, au même rang que les exclus, que les voleurs, que les adultères, que les injustes, que les écorchés vifs, que les toxicos, les androgynes, les assassins, les divorcés, les homos, les infidèles et compagnie. En nous frappant la poitrine avec eux, car nous sommes de la même nature, nous aussi, une nature bien blessée, mais parfois trop orgueilleuse. Car c'est vers ces personnes-là, que Jésus s'élance en premier pour les serrer dans ses bras, en passant à côté des orgueilleux idéologues qui ont érigé leur système en absolu. Alors, frères et sœurs, ce que notre Seigneur veut nous rappeler en réalité aujourd'hui avec force, c'est qu'en définitive, ce n'est que l'amour qui sauve. Rien d'autre. Ça n'est que l'amour qui sauve. Et que toutes nos justices, sans l'amour, ne valent rien. Rien. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.